Vous êtes membre d'un syndicat? Êtes-vous sûr que celui-ci représente les vraies valeurs syndicales? Pour ceux qui recherchent un syndicat qui retourne aux vraies valeurs syndicales, actif.fr. Eh bien, bonjour à tous. C'est 17h, l'heure de Skype, Open Skype. Voilà, donc je vous attends sur Skype. Vous recherchez radio.actif pour participer à l'émission. Open Skype de 17h à 10h. Open Skype, c'est parti. Nous attendons toujours vos appels sur Skype pour participer à l'émission Open Skype. Donc, si vous êtes sur Subcast, connectez-vous sur Skype et vous recherchez le pseudo radio.actif. Merci d'avance. Pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatifs. C'est à vous maintenant. participer à Open Skype, connectez-vous sur Skype et recherchez radio.actif. Vous pouvez aussi nous écouter, pour ceux qui nous écoutent en dehors de la radio, par exemple sur Subcast. Vous pouvez nous écouter en allant sur http://radio-actif.z.cx. Thank you. Il est 17h27 sur Radio Actif. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Actif sur OpenScape. Rejoignez-nous sur Skype et recherchez le pseudo radio.actif. Tout de suite après ce morceau musical, nous aurons droit à une petite page de publicité et nous reprendrons donc les auditeurs pour ceux qui veulent participer à cette émission. Oui, c'est vrai, c'est dimanche, il fait beau, tout le monde doit être de sortie, mais il y a quand même des auditeurs qui écoutent, et ceci, notamment sur Sopcast, j'aimerais bien qu'ils puissent participer aussi, donc n'hésitez pas à aller sur Skype et à nous... Thank you. 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Bonjour à tous. Eh bien, ici l'association Actif. On recherche sur Paris deux appartements, environ 600 euros de loyer. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Actif à contact@actif.fr. contact@actif.fr. Merci d'avance. Hazardous environment detected. Êtes-vous en mesure de reconnaître le vrai du faux? Un outil puissant est maintenant à votre disposition. Ose dénoncer. CapricorneFM.com. Ose dénoncer la désinformation. Vous êtes membre d'un syndicat? Êtes-vous sûr que celui-ci représente les vraies valeurs syndicales? Active, c'est le mouvement collectif qui pique dans le pays. Pour ceux qui recherchent un syndicat qui retourne aux vraies valeurs syndicales, Actif, Actif. Avec un cas.fr. Thank you. Alors, pour les gens qui sont sur Subcast, connectez-vous sur radio.actif, connectez-vous sur Skype et recherchez radio.actif. Je vois qu'il y a énormément de personnes qui nous écoutent, mais vous n'osez pas participer, ça c'est pas bien. Ne me dites pas que vous n'avez pas une belle-mère à vendre, un beau-père à échanger, une blonde à échanger en brune, une brune à échanger en rousse, etc. etc. Donc, participez, venez, passez vos annonces, passez vos coups de gueule, vos coups de cœur. C'est le moment, c'est sur Radioactif et c'est maintenant. Après 19h, ce sera trop tard. We'll be right back. Vous êtes sur l'antenne pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Allez-y, parlez, c'est à vous, vous êtes sur l'antenne. Ouais, salut James. Enfin, James ou Jeans, je sais pas comment ça se prononce. Et tu dois avoir un problème de micro. Ouais, James, t'es là ? Bon, radioactif ? On a un souci là. Apparemment, Jens a des soucis de micro, je pense. Puis on refera un essai tout à l'heure. Pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Vous êtes sur l'antenne pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Non, tu déconnes. Non, il se fout de ma gueule là. Putain, il me fait chier en plus en pleine émission. Thank you. l'antenne pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. C'est à vous maintenant. Vous êtes sur l'antenne pour 4 minutes. Au bip sonore, soyez créatif. Ouais. C'est à vous maintenant. Ouais, ben c'est finalement réussi. T'as un problème avec ta connexion ? Oui, certainement. Oui, certainement. Donc là, ça a l'air de fonctionner correctement. Est-ce que vous m'entendez ? C'est pas facile aujourd'hui avec l'audio, je crois bien. Non, du tout. Vas-y, qu'est-ce que c'est lié jusqu'à maintenant ? Eh bien, tout à l'heure, on devait avoir Saint-Jean qui devait venir, et puis bon, il n'est pas venu, donc je pense qu'il a été retenu quelque part. Donc l'émission qui devait y avoir avant n'a pas eu lieu, mais elle aura lieu sûrement peut-être dimanche prochain vers 14 ou 15 heures. Faudra qu'on revoie ça avec Saint-Jean. Voilà. D'accord. Donc je vous laisse discuter entre vous. Je pense que vous avez des questions à poser sur la Grèce, enfin tout ce qui se passe actuellement, sur Carla, sur la grand-mère à vendre, enfin etc. etc. Je vous laisse entre vous. Dans combien de temps on est en ligne ? Le temps que vous voulez. Quand c'est fini, vous me dites stop. Ok. Bah je vais voir avec Jens. Vas-y. C'est ça, Jens. C'est comme ouais, ça ton. Vas-y. Tout à fait. Je devais te préparer des questions. J'ai fait beaucoup de choses cette semaine pour Tactical FM, l'effet, mais j'ai pas eu le temps en particulier. Mais il y a un sujet qui m'intéresse. Ouais. T'as l'air de savoir pas mal de choses. T'en penses quoi, toi, de Clotilde, comment elle s'appelle, Clotilde Reis, c'est ça? Tu sais, celle qui a été libérée. Oui. Qui a été libérée. Pour moi, c'est une vraie espionne. C'est pas ce qu'on raconte. Une simple étudiante qui allait là-bas manifester, qui s'est fait arrêter. Pour moi, il y a quelque chose de plus grave là-dessous. Tu penses pas ? Bah, donc, vu les éléments, donc on n'en sait naturellement pas grand-chose. Hein, donc, j'ai pas de confirmation, rien du tout à ce sujet-là. Donc, du temps où elle a été arrêtée, la seule chose qui apparaissait en surface, c'était qu'elle était bien en relation avec l'ambassade de France. C'est quand même assez étonnant, donc, d'une étudiante d'être aussi proche de l'ambassade de France. Maintenant, il faut savoir que quand on est à l'étranger, on est généralement en contact pour savoir que vous êtes bien dans le pays à l'étranger, que donc s'il y a un souci qu'on puisse vous contacter, et ainsi de suite. Maintenant, d'après les éléments qu'on avait déjà donc à l'époque, hein, donc au tout début, c'était quand même donc un groupe d'étudiants qui suivait bien la chose sur place en Iran. Donc elle était quand même en bonne relation avec l'ambassade. Maintenant, ce qu'on peut en voir aussi aujourd'hui, c'est que donc il y a déjà une personne relâchée ici en France, et donc la deuxième est toujours en cours d'analyse pour être relâchée. On va bien voir ce qu'il en est. Donc c'est quand même assez étonnant. Donc le gouvernement dit naturellement d'avoir pas payé de rançon ou quoi que ce soit. Mais sûr et certain, il y a toujours des arrangements sous table, surtout après 10 mois de rétention. Ok. Bah, on pourra voir aussi pour parler de la Grèce aussi. Comment ça a évolué ? Comment ça s'est passé ? On a beaucoup parlé de la Thaïlande. T'es un peu renseigné sur ce qui s'est passé en Thaïlande ? Oui, je le suis comme quand on était engagé au niveau politique, on le suit quand même aussi un petit peu. Donc effectivement, il y a aussi donc un déboussolement donc de l'État là-bas. Maintenant, il faut savoir que donc le gouvernement qui voudrait se remettre en place est simplement révisionniste comme le précédent. Par contre, il y a un réel mouvement populaire qui s'est instauré, qui en a marre. C'est ça qui est le plus inquiétant pour tous les États actuels, surtout là-bas. Enfin, ça va finir mal encore, ça aussi. Il y a un climat insurrectionnel qui est en place. Donc, on commence à aboutir sur certains éléments clés d'insurrection en Grèce, en Thaïlande, donc d'autres pays. N'oublions pas l'Europe, comme elle a évolué cette semaine. On est en train de parler de l'Europe, donc avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie, qui commencerait aussi à avoir des sérieux problèmes au niveau budgétaire. N'oublions pas la France, donc effectivement, la Belgique également, donc il y a un gouvernement qui a lâché. Le gouvernement anglais, on ne sait pas combien de temps il va tenir. Déjà, on commence à parler de certaines dissensions entre les deux partenaires qui sont sur la sellette donc du gouvernement aujourd'hui. Écoute, y a ça, il y a aussi un sujet. Alors, je voulais te demander, parce que toi tu sais, il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Comment tu fais pour demander une augmentation dans ton travail? Enfin, si tu veux être augmenté, qu'est-ce qui peut te permettre de le faire? Tu sais, demander quelque chose à ton patron, tu demandes une augmentation. Comment tu peux te le permettre? Ou est-ce que c'est toujours au bon vouloir du patron? Ou il y a des façons de le faire? Il faut rédiger par écrit ce que tu demandes? Il faut envoyer un recommandé? Tout ça, ouais, ça m'intéresse. Il y a des façons de le faire, donc à titre individuel ou bien c'est en relation avec les conventions collectives. Donc déjà là, il faut avoir des informations ou bien par les négociations donc annuelles obligatoires dans une société. Donc maintenant, dans ton cas, je crois que c'était donc il y a quand même une présence active de syndicats. Vous avez des DP, vous avez un CE, d'après ce que je me souviens dans ton cas de figure. Donc ouais, il doit y avoir effectivement une fois par an des négociations annuelles obligatoires, ce qu'on appelle communément les NAO. Là il faut bien regarder ce qui se passe au niveau de ta société pour voir ce qu'il y en est exactement et demander des comptes au syndicat. Et je vais t'expliquer aussi au niveau individuel comment faire, quels sont les éléments à mettre en place pour demander donc une augmentation de salaire. On peut dire. Ouais, écoute, Radioactif, t'es là? On va lui demander de passer en ligne. Oui, tout à fait. Tout à fait, écoute, je suis là. On va passer en ligne et puis on va discuter tranquillement. D'accord. Vous voulez passer en ligne? En ligne, je veux dire. Bah, vous êtes en ligne. Hein. Vous êtes sur la radio, de toute façon. Ah, moi, je croyais qu'on discutait. Ah, je pensais pas ça. Eh ben voilà, donc on est. Je pense que Yann, tu avais une petite annonce à passer pour des appartements que tu recherches pour des salariés, il me semble. Oui, tout à fait. Donc, si vous avez donc des auditeurs en ligne qui voudraient louer ou sous-louer donc un appartement, n'hésitez pas à nous contacter. C'est surtout valable pour aujourd'hui, donc le 77. Si vous faites partie de l'agence immobilière, n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de nous contacter en direct, sachant que donc on a différentes personnes qui demandent donc d'avoir donc des appartements et donc à des tarifs intéressants, parce que donc ces personnes-là généralement travaillent chez nous, elles sont à la recherche et peuvent faire le nécessaire pour justement vous garantir le nécessaire au niveau des paiements. Donc on n'est pas complètement à la rue. On peut avoir besoin justement d'appartements dans d'autres départements, mais surtout actuellement, plus en particulier, on demande pour le 77 d'avoir donc des possibilités Nord 77. Ce serait pas mal. Là, vous pouvez reprendre. Donc, c'était pour les salaires. Comment faire une demande de salaire individuel, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc, on parlait des négociations annuelles obligatoires. Bien. Donc, effectivement, il y a plusieurs façons de demander donc une augmentation de salaire. Je dirais donc, on va commencer par la partie individuelle hein, déjà. Donc, avant de parler au niveau d'une société ou au niveau des négociations annuelles obligatoires, communément. Abrévié par le terme NAO. Donc premièrement, donc au niveau individuel, comment s'y prendre? Généralement, vous avez dans une société toujours une évaluation qui est faite une fois par an. Donc ça, c'est le moment idéal pour causer donc avec votre chef hiérarchique les éléments et de demander effectivement cette augmentation. Surtout si vous la faites à titre individuel, ne dites pas tout simplement oui, je voudrais avoir une augmentation. Non, elle doit être justifiée. Donc quand vous parlez justement de cette évaluation annuelle ensemble, donc vous faites valoir les points positifs et que ceci donc doit vous donner donc une possibilité d'augmentation de salaire. Généralement, elle est demandée dans cet entretien, elle est écrite et transmise au service RH. Et donc n'hésitez pas donc vis-à-vis du système et service RH de poser donc par mail ou bien par courrier cette demande, de la compléter donc vis-à-vis de ce que vous avez déjà fait en tant qu'entretien mutuel entre votre chef hiérarchique et vous-même. Ça, c'est la partie individuelle. Maintenant, Gloupil, tu as surtout des demandes concernant les NAO, je crois. Hein, c'est bien ça. Hein. Et voilà, c'est ça. Bien. Donc, une fois par an, dans une société où il y a donc une représentation du personnel, DP ou CE, CHT, vous avez ce qu'on appelle, et c'est obligatoire, c'est le terme lui-même qui le dit, c'est des négociations annuelles obligatoires. Il y a plusieurs volets dans ces NAO. Premièrement, il y a donc toute la partie, je dirais, donc d'évaluation pour la société, pour les différents groupes, et c'est une réelle négociation entre syndicats et le patronat. Les dernières NAO de cette année-ci, quand on voit donc dans les différentes sociétés ce qui se passe, c'est très bas. Donc on obtient entre 1,8 et maximum 3%. Tout ce qui est au-delà, c'est vraiment exceptionnel. C'est très très très mal parti dans les négociations annuelles obligatoires dans les différentes sociétés. Quand est-ce qu'elles ont lieu? C'est une fois par an. Généralement, la négociation s'entame aux alentours, par exemple dans notre société dans laquelle je travaille, s'entame généralement aux alentours de fin novembre, décembre, pour aboutir février sur des conclusions beaucoup plus particulières. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus que dans les négociations annuelles obligatoires, il y a aussi donc une discussion sur la participation. Il faut savoir que donc les sociétés qui ont donc ces instances de représentation, qui ont une certaine taille, il y a une obligation de participation donc dans les résultats de la société. Donc là aussi, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui doit être suivi par le personnel aussi bien que donc les syndicats. Et généralement, on oublie de parler de cette participation. En l'occurrence, pour la société pour laquelle je travaille, donc dans le groupe même, on est une filiale. La holding actuellement a donné donc une participation à toutes les filiales, sauf celle pour laquelle je travaille, où notre propre PDG s'est retiré de l'accord qu'il y avait au niveau du groupe. Donc, en l'occurrence, c'est donc une participation de l'ordre d'une centaine d'euros. Là où il y a le plus de personnel, entre guillemets, qui en aurait besoin, ils ont refusé de faire participer à hauteur de 100 euros au gain de la société, donc la plus-value qu'ils obtiennent. Déjà, donc, ça c'est la première abord. Alors, pour ce qui concerne les NAO, n'hésite pas, Gloupil, hein, donc à m'en parler ou poser tes questions, parce que donc effectivement, je pense que c'est quelque chose où tu connais pas encore les rouages, comment ça se passe et ainsi de suite. Vas-y, je t'écoute. Bah ça c'est sûr, on connaît pas bien les NAO, mais est-ce que c'est que les syndicats qui discutent de ça ou c'est ils demandent le, enfin toi quand t'es un employé, t'as le droit d'y participer aux négociations là? Non, c'est uniquement les syndicats. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'insiste toujours beaucoup sur le fait qu'il faut s'impliquer en tant que salarié dans une société, dans le mouvement syndical, sans peut-être y faire partie, hein, c'est la réalité sur le terrain, mais au moins savoir ce qui se passe, parce que c'est eux qui décident malgré tout pour les négociations annuelles obligatoires. En tant que salarié, tu peux pas assister, mais tu dois pouvoir demander des comptes justement dans ce qui se passe en tant qu'assemblée générale ou bien donc une réunion d'un délégué syndical vis-à-vis des salariés, de ses collègues. Ben donc cette réunion là oui, vous pouvez y assister, mais vous pourrez pas être présent en tant que salarié dans la négociation annuelle obligatoire avec le patron. Ça c'est clair. C'est pour ça qu'il faut bien les suivre, leur demander des comptes, parce que donc, comme je l'ai dit déjà donc, la semaine dernière, il y a deux semaines, les syndicats représentent que 5% de la population active. Donc, en quoi sont-ils représentatifs s'ils ne représentent que 5% des salariés? Mais en plus de ça, si on leur demande pas des comptes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et convenir, même entre guillemets sous table, donc avec le patron, de ne pas trop augmenter les salaires. Et le patron, en fin de compte, les négociations là, ça le gêne ou pas? Ça les gêne, c'est obligatoire, ça leur est imposé, donc ils y vont déjà, ils ont pas trop envie de discuter, je pense. Et ben, ils sont obligés de donner donc tous les argumentaires pour. Je dirais donc donner quand même donc une augmentation ou de justifier la non-augmentation des salaires pour cette année-là. Ils peuvent présenter quelque chose, les syndicats peuvent refuser et donc ce qu'on appelle le refus de signature sera apporté, ou bien ils signent ce qui est donc qui a été convenu, proposé par le patron. Il y a aussi donc une autre alternative, c'est-à-dire que donc le patron propose, les syndicats refusent, et ils renégocient, ils essayent de retrouver donc un nouvel accord, et il sera moins bon que le tout premier, par exemple. Ah oui. Ils essayent généralement, même en tant que patronat, de faire valoir donc une négociation, proposer quelque chose, revenir sur cette position-là s'ils se remettent à table. Et généralement, c'est quelque chose de moins bon. Ça, c'est les stratégies qu'ils utilisent des deux côtés. C'est grâce à ça que souvent les syndicats plient et ils sont d'accord pour la première signature et se disent généralement, heureusement qu'on a encore ça ou donc on n'aurait rien eu. C'est pour cette raison-là qu'on a signé. Et ils reviennent avec cet accord vers les salariés qui se disent, mais bon, sans bon Dieu, on a qu'obtenu par exemple 1,8 tandis oui, voilà, que voilà. L'inflation est beaucoup plus importante. Donc déjà, il faut qu'ils assurent quoi, les représentants du personnel, enfin les gens qui nous représentent là-dedans, ils ont vraiment intérêt à assurer quoi. Mais c'est et puis c'est vraiment plus clair. Et puis c'est surtout à nous en tant que salariés de leur demander des comptes, parce que donc effectivement ils reviennent avec des éléments de cette négociation qui sont généralement importants et il faut leur poser toutes les questions et aller de l'avant. Parce que donc effectivement, s'ils ne sentent pas la pression de la part des salariés, ils vont eux-mêmes se contenter d'une négociation qui est très molle et où il n'y a aucune revendication. Ils ne peuvent pas mettre non plus la pression s'ils n'ont pas les arrières qui sont assurés avec des gens qui veulent se mobiliser. D'où l'importance, encore une fois, de l'engagement de tous les salariés, de au moins être présents dans les réunions que donc les délégués des syndicaux convoque, d'écouter ce qui se passe et de poser justement toutes les questions nécessaires. Alors il y a un sujet que, enfin une question que je t'avais préparée là, qui m'intéresse vraiment et c'est assez compliqué. Si tu veux, c'est un, enfin non pas si compliqué que ça, c'est un auditeur de Tactical FM, il s'appelle Saint-Jean. Ouais. Et donc il nous raconte qu'il a un ami qui a été donc chez Renault, tu vois, pour trouver du travail. Il trouve pas d'emploi, hein, il a un enfant, il est sans emploi, il veut travailler, mais il n'arrive pas à trouver de travail. Et en allant donc à l'entretien donc d'embauche à Renault, ils lui ont dit on peut pas vous prendre, vous êtes trop diplômé. Vous avez trop de bagages, on peut pas vous prendre avec tous les bagages que vous avez. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Et moi je trouve ça vraiment honteux de dire à quelqu'un ça. Tu viens pour un travail, on te dit bah non, t'as trop de bagages, les gens comme vous c'est pas possible. C'est ça que, alors ça le révoltait beaucoup cette histoire là. Oui, donc il y a beaucoup de dossiers de ce genre-là actuellement sur le marché. Alors, c'est donc la voie de la précarisation, encore une fois, de salariés qui sont hyper qualifiés, qui généralement, pour se faire engager, et c'est ce qui se passe par exemple encore une fois dans le secteur que je connais très bien, c'est les centres d'appel, vous avez des salariés qui sont hyper qualifiés, c'est des ingénieurs en informatique et ainsi de suite, qui pour trouver donc un petit boulot, au départ ils se disent je vais m'engager en tant que hotliner, c'est-à-dire dans un centre d'appel, pour me dépanner, mais en définitive, ça restera toujours le travail continu pendant 3, 4, 5, 6 ans. Et si on regarde bien, effectivement, on a toute une masse salariale, de salariés plutôt, qui sont hyper qualifiés et qui doivent le cacher généralement au départ pour pouvoir se faire engager. Tout simplement aussi pourquoi ? Parce que donc il y a pas de perspective d'évolution généralement dans les centres d'appel. Donc, c'est juste pour ça, c'est qu'ils veulent pas des gens trop ambitieux, trop diplômés, c'est qui connaissent trop bien entre guillemets les rouages hein, pour que donc on puisse avoir donc un mouvement je dirais de revendication ou de volonté de changement dans une société. Donc ils vont se dire pourquoi est-ce que cette personne-là va s'engager chez nous ? Tandis qu'il est si qualifié. Donc effectivement, on peut se poser la question, mais donc c'est un tort des sociétés de se dire de ne pas engager des personnes qui sont super qualifiées. Ça c'est clair. Puis on voit bien que justement, voilà, c'est aujourd'hui, c'est prendre les. Pardon, radioactif. Excuse-moi. Oui, justement, pour Saint-Jean, c'est ce que je disais l'autre fois. En plus, bon, son ami voulait se faire embaucher chez Renault. Et puis Renault, on sait que tous les dirigeants font partie de la franc-maçonnerie, si je ne m'abuse. Oui, également cet élément-là qui joue. Donc, c'est des alors ça m'avait vraiment choqué. Ça m'avait choqué, quoi, que la franc-maçonnerie semble bien la connaître, qu'elle possédait une société pareille, quoi. C'est incroyable. C'est pas possédé, hein. C'est-à-dire que donc les dirigeants généralement font partie de ce groupement qui a des intérêts politiques, économiques et surtout pour se défendre soi-même. Entre guillemets, ça peut être même un État dans l'État, hein. Donc ce qui est le cas en France. Je sais pas si tu as suivi un peu les échos de l'année dernière, début d'année. Donc Xavier Bertrand ne se cachait pas de faire partie de la franc-maçonnerie en France. Ah, carrément, donc, je le savais pas du tout, ouais, carrément. Et il a parlé justement à l'antenne de télévision, donc de son appartement. Donc il s'en cache pas, malgré que donc eux-mêmes doivent soi-disant cacher leur appartenance, mais lui il s'en cachait pas du tout. Maintenant, si on va regarder plus loin en France, effectivement, vous avez donc des groupements style dont on parle, qui sont tellement puissants qui vont gérer eux-mêmes leur recrutement au niveau managérial, hein, c'est clair. Mais là, on parle des francs-maçons par rapport à Renault, mais sans bien les connaître, pourquoi c'est eux, ils ont une politique, ils ont une politique dans leur société qui est si dure que ça. Pour eux, il faut pas embaucher les gens trop qualifiés, il faut donner des bas salaires, c'est vraiment des gens qui pensent comme ça en plus et qui s'en cachent pas. Et donc quel est l'intérêt entre guillemets d'engager quelqu'un de trop qualifié, sachant que donc cette personne va quitter la société si elle trouve déjà quelque chose de différent dans un laps de temps assez court, s'il y a donc une autre proposition. Deuxièmement, on peut dire pourquoi engager une personne super qualifiée qui par après va exiger des augmentations de salaire vis-à-vis de ses connaissances et aussi de ses compétences et évolutions dans la société ou dans son travail qu'il fait. Donc il vaut mieux pour eux de prendre des salariés qui sont quasiment pas formés, qu'on va soi-disant former soi-même, parce qu'il y a aussi des subventions de l'État pour les formations. Donc il vaut mieux rester sur un salariat qui peut être dégagé relativement vite, dans la mesure où ils peuvent engager une autre personne qui a les non-compétences, entre guillemets, ou délocaliser sur des lieux, comme on avait parlé donc la dernière fois, qui par après ont des personnes qui ont un travail qui n'est pas tellement qualifié en soi. Et il faut se dire, donc... le patronat n'a pas intérêt à prendre des gens trop qualifiés, entre guillemets, et parfois ils le disent comme Renault. Donc ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, il y a une autre évolution aussi dans le monde du travail, c'est d'arriver dans une qualification relativement basse pour tous les postes, ou bien découper les fonctions d'un travail sur des éléments qui sont relativement faciles à gérer, qui sont pas tellement qualifiés si on leur explique bien comment faire. Chaque découpe de ce, du travail qui doit être fait, il peut être mis dans un cadre, dans un carcan de non-qualification. S'il est suffisamment bien mécanisé, bien robotisé pour le transmettre à quelqu'un qui effectivement sort de par exemple qui est directement au chômage et que donc on forme en un laps de temps très réduit ou bien qu'on prend dans tout ce qui est bureau d'intérim. Ce que je voulais dire pour Renault, et c'est ce que je disais l'autre fois, Renault, s'ils n'avaient pas, enfin s'ils n'étaient pas dans un groupement comme la franc-maçonnerie, il y a longtemps qu'ils auraient fait comme General Motors. C'est bien avant General Motors qu'ils auraient mis la clé sous le paillasson. Oui, effectivement, et il ne faut pas oublier qu'en France, vous avez des sociétés qui sont assez vieilles comme structure, qui sont toujours présentes et qui ont des liens très importants avec l'État, les dirigeants de l'État, qui, par ce biais-là, comme tu dis, pensons à Air France, pensons à Renault et d'autres sociétés, hein, donc ouais, tout ce qui est bancaire. Quels intérêts ils ont à faire soutenir en vie des sociétés comme ça ? Qui sont pas les plus rentables, enfin je sais pas, mais c'est peut-être pas celles qui marchent le mieux. Elles sont rentables, donc elles fonctionnent très bien. C'est simplement pour protéger leur propre poste et avoir encore une emprise sur le monde du travail, donc avec quelques personnes qui se connaissent très bien au-delà des relations normales de manager ou au-delà des relations normales avec l'État. Parce que donc en là, fait, on ils marchent main dans la main. Ils marchent main dans la main. Les dirigeants, ils y gagnent et eux, en fait, c'est un investissement, quoi. C'est comme si ils prenaient des actions gratuites en quelque sorte. Et en fait, ils prennent des actions, ils sont sûrs de gagner de l'argent. Ils sont sûrs à 100%. C'est de l'argent, encore une fois, qui est géré par quelques personnes, même au-delà des institutions étatiques. C'est-à-dire que donc dans ces groupements, on a encore donc les mêmes personnes. Rappelle-toi de ce qu'on a parlé la semaine dernière, avec le nombre de dirigeants qui sont présents dans le CAC, c'est maximum une bonne 90aine de personnes. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui va marcher alors aujourd'hui ? En fin de compte, ça aussi, pour les gens qui eux veulent s'en sortir, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les gens aujourd'hui comme formation ? Qu'est-ce qu'ils payent ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut retourner à l'école ? Faut avoir beaucoup d'études aujourd'hui pour bien gagner sa vie et survivre ? Ou il faut monter sa boîte ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après toi ? Ben, si on fait une évaluation, même moi quand je regarde aujourd'hui au niveau des études, même quand on parle donc avec des RH, le niveau d'études, c'est une carte d'entrée. D'accord. Toute formation, c'est simplement une carte d'entrée. Bah, après, c'est savoir naviguer, savoir vivre, survivre, comme je le dis souvent dans une société, être flexible à soi-même, donc s'adapter, s'intéresser un peu à tout, et savoir les limites, connaître vraiment les limites du monde du travail. Mais s'en sortir, aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. C'est ça, c'est s'en sortir en travaillant. En faisant tout ce qu'il faut, aujourd'hui, ça paye plus. Enfin, ça rapporte pas. C'est non, parce que donc là, c'est justement donc quand on voit la différence juste après l'après-guerre, les 30 glorieuses, et le monde d'aujourd'hui, on est complètement dans une phase où les salariés ont perdu la main sur leur outil de travail déjà. Ils sont pas solidaires entre eux. On les a cassés, donc au niveau solidarité, on les c'est a. C'est ça, voilà, c'est ça que je voulais dire. Aujourd'hui, il n'y a plus tant de solidarité que ça. Les gens, ils sont plus autant solidaires. C'est pas pareil. Je veux pas dire qu'il y avait une réelle amitié dans le travail, mais avant, les gens étaient vraiment solidaires entre eux. Tout à fait, parce que il faut pas oublier que donc tu avais beaucoup plus de sociétés industrielles où vraiment c'était l'usine, donc c'était le monde de l'usine où tout le monde avait donc les shifts des 3-8 ou des 2-8, donc c'est à dire que donc vous aviez vraiment des équipes. Aujourd'hui, c'est vraiment la personne qui va à son travail, ben donc comme j'ai dit souvent, qu'est-ce qui se passe, il peut rentrer sur son lieu de travail, il va travailler tout seul. Il a aucun contact avec son voisin, il a aucun contact avec les gens avec lesquels il va manger ou prendre sa pause, parce que les pauses, aussi bien que donc l'heure de table change, ou bien donc les équipes changent constamment. Donc il y a plus cet élément de solidarité qui joue. Et ça aussi, tu penses qu'ils l'ont cassé? Ils ont fait exprès de justement qu'il n'y ait plus ça entre les gens? Ben, quand on regarde les formations de managers, c'est bien stipulé que donc dans ces formations que depuis mai 68, ils ont compris une chose en tant que patronat, c'était qu'il fallait casser le collectivisme. Et c'était la grande victoire entre guillemets du patronat d'avoir compris ce message, parce que donc mai 68 c'est le dernier mouvement en France où réellement vous aviez donc un mouvement de groupe très important, et dans tous les centres de formation au niveau management, aussi bien que donc les formations syndicales qui sont données, on voit très bien que donc la conclusion est la suivante: mai 68, le patronat a compris ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire casser le collectivisme, donc la solidarité. Il fallait individualiser l'individu complètement dans son travail par le biais des différents outils. Hein. Alors le patronat, mais les syndicats, est-ce qu'ils ont compris qu'il fallait changer de tactique, maintenant le patronat allait les regarder de près, qu'ils allaient devoir faire attention à ça, justement, à lutter contre ça pour que les gens restent solidaires? Donc là, il y a une grosse dérive hein, de tous les syndicats qui se sont de plus en plus bureaucratisés et qui ont fait des connivences carrément avec le patronat. Pense un petit peu à tout ce qui s'est passé les derniers temps, les dernières années avec les syndicats. On en a déjà parlé, mais c'est la concrétisation de la victoire du patronat sur les salariés. Et la preuve que les syndicats abandonnent, sont corrompus, les gros syndicats. Tout à fait, tout à fait. Donc pensons à ce qui se passe avec FO. Par exemple, qui était présent à la réunion du MEDEF l'année dernière, entre septembre et novembre, Mailly donc a été directement invité là-bas et il était très à l'aise. Donc la dernière grève qu'il y a eu, il a décidé en tant qu'organisation syndicale de ne pas faire grève avec pourtant, les autres syndicats. Pourtant, Force ouvrière, rien que le nom, on se dit c'est des gens qui sont très revendicatifs, qui vont être présents. Il faut bien regarder dans ce qui se passe dans la réalité. Hein. C'est comme quand on a discuté de ce qui s'est passé déjà donc chez Total, hein, tu vois bien la conclusion. Ils ont fait donc une grève symbolique entre guillemets d'une semaine, et puis donc les autres sites ont lâché le site de Dunkerque, et les propres syndicats présents à Dunkerque ont lâché les salariés. Il y a une grosse amertume qui est restée sur place. Hein, Et le pire, c'est ce que je trouve incroyable quand même, c'est que les syndicats à la base, ces gens-là, c'est des salariés eux aussi du site en fin de compte. Ces gens-là, c'est des gens du site. Comment ils font pour eux aussi trahir tous leurs collègues? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Moi, je serais représentant de tel syndicat. Je vois que mon syndicat il me lâche, il m'abandonne. Bah, je me révolterais. Je ferais des actions. Le seul qui a fait chavirer un petit peu donc cette bureaucratie, par exemple de la CGT, c'était Mathieu donc de Continental. Donc lui s'est réellement révolté directement. Hein, donc rappelle-toi de Continental à Amiens. Donc Mathieu a vraiment fait le nécessaire. C'est clair. Donc, il a été loin. Ouais, il a été très loin. Il a été très loin et donc il a pris quand même ses responsabilités. Faut avoir des couilles. Hein. Faut vraiment avoir des couilles. Hein. Tout à fait. Parce qu'il doit se battre non seulement contre donc le patronat sur place, il doit se battre donc dans sa propre société pour faire valoir les moqueries des autres, et puis les moqueries des autres, les gens qui ont cherché à le déstabiliser. Tout à fait. Et puis troisièmement, il faut pas oublier que généralement ces délégués là, quand ils sont réellement actifs, ils doivent se battre corps et âme contre les propres syndicats. Hein. Donc Thibault ne s'est jamais déplacé sur Continental à Amiens, au contraire. Il était en opposition complète avec ce qui se passait donc directement sur Amiens. Il n'a jamais fait quoi que ce soit de positif pour aider Mathieu sur place chez Continental. Le seul qui actuellement au sein de la CGT commence à faire bouger tout un mouvement avec un mouvement parallèle au sein même de la CGT, c'est donc notre camarade Delannoy qui fait le nécessaire pour avoir donc une attitude syndicale beaucoup plus revendicative et beaucoup plus autonome vis-à-vis du gouvernement. Et tu penses que les gens, du coup, ils vont arrêter de voter FO, ils vont s'en aller, tu sais. Est-ce que les gens se rendent compte vraiment, voilà, comme là on parlait de Force Ouvrière, est-ce que les gens ils quittent les syndicats qui deviennent amis du gouvernement? Ça se voit, ça se sent chez vous peut-être. Partout, donc on le voit très bien dans la mesure où donc les syndicats reculent systématiquement dans leur vote, hein. C'est-à-dire que donc on retombe sur 5% de salariés globalement parlant, hein, je te parle, hein, donc au niveau national aussi bien que donc au niveau d'une société, on peut dire qu'il y a simplement 5% des salariés qui sont là en tant que syndiqués. Donc, ouais, c'est vrai. C'est rien. C'est donc une minorité. Le patronat va jouer avec ça quand il y a donc un mouvement ou quoi que ce soit. Donc, là, autrefois, dans les usines, c'était tout le monde. C'était tout à fait. Dans les grosses usines, surtout les grosses aciéries, les mines, les choses comme ça, c'était ça. Exactement. Et donc là, il y a effectivement aussi sur quelque chose que je voudrais revenir. Donc, ce que vous aviez évoqué. Tout à l'heure, c'est donc le pouvoir de certaines personnes. Donc, vous parliez de franc-maçonnerie, vous parliez, je pense que donc il y a aussi donc Caporal John qui doit nous écouter ou s'il nous y entend pas. Donc, je sais que c'est un sujet qui est très important pour lui, dont il aime bien en parler. C'est donc aux États-Unis les Illuminati, comme on les appelle. C'est des sociétés secrètes style franc-maçonnerie ou autres qui ont des membres qui gèrent donc les différentes sociétés au-delà des États. Et alors c'est qui les plus puissants en fin de compte? C'est les francs-maçons, les Illuminati, parce qu'on vient d'entendre parler depuis 5-6 ans beaucoup des Illuminati, mais autrefois non, jamais. Non, parce que c'était donc gardé secret, hein, donc il faut pas l'oublier. Hein, donc ça a toujours existé. Par exemple, le prieuré de Sion. Le prieuré de Sion. Qui connaissait le prieuré de Sion avant d'avoir connu le Da Vinci Code? Oui, tout à fait. Donc bon, il y a toujours des vagues dans l'histoire, donc de mode. Hein, donc à un certain moment, on en parle parce que donc soi-disant ils sont donc dans le secret, ils se protègent et ainsi de suite. Avec des idéaux soi-disant qui sont bien, oui, peut-être, mais donc dans la pratique, c'est uniquement pour faire du business, hein, de se connaître entre eux, de se protéger et de gérer le monde par le biais de quoi ? Donc du pouvoir, un pouvoir qui se concrétise par le capital. Hein. En fin de compte, c'est comme ces sociétés-là, c'est comme un pays, elles sont très puissantes avec des dirigeants, des... Oui. C'est tout vraiment. En fait, de ce que je crois comprendre, alors, c'est qu'aujourd'hui, pour diriger le monde, il faut diriger les entreprises. Il faut posséder les entreprises. Celui qui possède. Il faut avoir. Aujourd'hui, c'est devenu comme ça. Il faut avoir ses pions, comme on dit, dans ces différentes sociétés. Hein. Donc, quand tu regardes ce qui se passe depuis 3-4 ans, donc l'État, par le biais de Sarkozy, est en train de s'implanter de plus en plus dans les différentes sociétés, quelques noms, Veolia, Prolio, donc avec Total également, donc tu vois donc toujours les mêmes personnes. Veolia, pareil, depuis quelques années, ça y est, Veolia, ils sont partout. Tout à fait. Hein, donc c'est donc la privatisation de tout ce qui est transport. Donc il y a Suez, il y a GDF qui sont derrière également, donc pour avoir trouvé des ententes, et comme par hasard, ces personnes-là évolue d'un groupe vers un autre et encore en ayant des intérêts dans l'autre groupe. Prolio, ce n'était qu'un exemple. Donc effectivement, ça devient un état dans l'état de certaines personnes et on peut se poser beaucoup de questions parce que donc on voit simplement la partie émergente des relations, mais donc il y a une relation outre entre ces différentes personnes quand ils se rencontrent pour diviser, pour mieux régner, pour avoir le capital. gérait donc une masse de salariés à bon escient, sans penser aux intérêts donc des salariés, au contraire. Alors, vu comme les politiques sont corrompues, pour toi, alors, si je vote socialiste ou n'importe quoi, quand ils seront au pouvoir, de toute façon, ce sera des gens qui seront amis avec les francs-maçons. C'est ça que tu veux dire aussi ? C'est qu'ils sont vraiment partout, en fin de compte ? C'est... pas nécessairement partout, mais donc il y a donc des manipulations entre politiques qui font que même s'ils en font pas partie, donc ils vont écouter certaines personnes clés qui sont vouées entre elles à se protéger. C'est valable par exemple dans le monde des sociétés, des grandes sociétés, un PDG quand il va rechercher donc du travail, il va le faire par le biais de certaines connaissances, certains réseaux comme on les appelle. Regarde ce qui se passe de temps à autre, tu peux faire des recherches également sur les directeurs de sociétés en passant par LinkedIn directement sur Internet, et c'est un réseau en lui-même de gens qui se cherchent, qui cherchent à attribuer des postes à des personnes qui sont amis. Donc ça, c'est sans avoir le relationnel, la franc-maçonnerie ou l'Illuminati ou autre, hein. Ouais, soyons sûr. Réalistes, mais bon, c'est des réseaux qui fonctionnent à peu près de la même façon, hein. Donc ils convoitent des postes en se protégeant entre eux. Mais aujourd'hui, je sais pas comment on apprend à manager au futur PDG, mais les PDG aujourd'hui, ils méprisent tous les ouvriers, ils sont tous vraiment, ils ont tous vraiment envie, voilà, de faire le plus de bénéfices possible aux actionnaires et en donner le moins possible aux gens qui travaillent et qui offrent les bénéfices. C'est le métier, hein, c'est le cœur du métier de ces managers. C'est vraiment un métier d'être comme ça, quoi. C'est terrible. C'est être manager, c'est ça, c'est le capitalisme. Politiquement parlant, par derrière, c'est ce qu'on appelle le capitalisme. On peut pas être un bon manager qui veut faire avancer sa société avec des employés qui gagnent bien leur vie et que tout marche. C'est un conflit. C'est un conflit interne, tu vois. Donc, imaginons que tu crées ta propre société. Déjà par cette création, tu vas essayer de faire quoi ? De gagner un maximum d'argent. Déjà pour suffire à ton propre salaire, survivre au départ. Voilà. Puis personne n'est fou. Le plus on en gagne, enfin, on veut tous gagner de l'argent en fin de compte. Mais l'argent en soi ne devrait pas être donc le but final. Hein. Donc c'est redistribuer donc tout cet argent, d'avoir donc une assise sur la place locale avec des salariés qui eux-mêmes gèrent en fait cette société. Quand on parle d'autogestion, je crois que c'est une meilleure alternative au capitalisme qu'on a actuellement. Donc pour revenir un petit peu à ta question également juste antérieure, parce que ça c'est la partie, je dirais, terrain société, hein. Donc là tu parlais donc pour qui voter, est-ce que les socialistes vont mieux nous protéger ou autre? Je dirais non, dans la mesure où quand on voit le socialisme où il a abouti, déjà c'est un socialisme caviar, ça n'a plus rien à voir avec les idéaux et les manières de faire de base de l'époque. Et déjà aujourd'hui, le socialisme français est complètement corrompu. On voit très bien donc les passages de personnalités X, Y qui sont pointées directement dans le camp opposé. Aujourd'hui même, on parlait à la télévision encore à midi de Strauss-Kahn présidentiable. On peut se poser la question. Il ne faut pas rester sur ces positions comme ça d'observateur et dire qu'ils sont sympas. Pourquoi les gens votent pour eux alors? Pourquoi est-ce que tant de Français votent pour eux ou même pour l'UMP alors que en fin de compte c'est des pourris, oui on va dire ça. Pourquoi les gens, est-ce qu'ils comprennent pas ça? Qu'est-ce qu'il y a? Nos médias les manipulent aussi, c'est à ce point là aujourd'hui. Il y a déjà ça, donc c'est les médias, c'est donc les lobbying de médias qui sont déjà en leur possession. C'est donc déjà, par exemple, ce qui se passait à midi, c'est donc avec deux journalistes, un qui faisait partie du Figaro, l'autre de RTL. Donc on voit très bien comment ils manipulent donc la grosse partie des auditeurs. Donc on joue surtout en politique avec quelque chose qui est l'amnésie de différentes personnes, c'est-à-dire l'amnésie, donc l'oubli de ce qui s'est passé dans le passé, il y a quelques années. C'est bien vrai. Donc on oublie facilement ce qui s'est passé de mal donc, dans le passé, qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gens, quelle est leur attitude et ainsi de suite. Et on oublie également de dire quel est les faits sur lesquels on doit les juger, et deuxièmement, quel est leur programme aujourd'hui. On oublie carrément le programme directement. On dit il est sympa, il pense à la sécurité, parlons de Sarkozy. Voilà. Parlons d'autres personnes. Donc on pourrait parler de Strauss-Kahn. C'est quoi? Il est bien, il est passé à l'international, il gère quand même la FMI. Il faut pas oublier non plus que dans quelqu'un l'a appelé. Il n'y a aucun prestige à gérer la FMI. Hein. Voilà. Mais donc par après dans la pratique, on voit bien donc au niveau personnel comment ils gèrent leur vie privée, qui vont se permettre de donner des exemples, de gérer certaines autres sociétés ou pays. Et on voit comment ils sont au niveau personnel, ça se posait des grosses questions, quoi. Mais on est amnésiaque. On oublie trop facilement. Dans la politique, c'est ça. Alors là, tu me parlais de Strauss-Kahn, mais les autres personnalités politiques aussi, même socialistes, elles sont pourries comme ça, à ce point-là. Par exemple, Ségolène, que j'aime pas du tout. Hein. Bah, quand tu vois donc dans la pratique, hein, donc elle fait un très bon travail peut-être dans son fief, hein, mais donc au niveau national, donc elle a joué sur certains éléments qui n'ont aucun sens. Ça reste très très très vague. Après ça, je pense aussi que c'est les médias. Ça aussi, c'est encore une fois les médias. Qu'elle fait du bon travail dans son fief, ça je sais pas. Hein, c'est pareil. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle gère si bien que ça? Ça aussi, c'est la question. Hein. Elle est présente. Bon, donc il y a dans son fief, donc elle a quand même certains résultats donc au niveau des collectivités. Maintenant, le dossier Eliès, par exemple, il a été très très très mal géré en très court laps de temps. Ça a été racheté par des Turcs, je crois, c'est ça? Exact, exact. Hein, donc et encore une fois, c'est donné à un patronat supranational. Donc même si c'est donc un Turc, donc c'est au-delà de notre État français, on va délocaliser entre guillemets. Ça, on tue nos entreprises, hein, on tue exactement. Nos entreprises. On tue, et voilà, comme tu disais, par contre Renault, ça va, ça tient, mais Eulier non. Alors qu'en France, on a besoin de transports en commun, de bus, de plus en plus. C'est un marché énorme. Ça représente en France un marché énorme. Aujourd'hui, on parle d'écologie, de transport en commun, et ben ce sera quoi? Ce sera pas un Français que ça va profiter alors tout ça. Et c'est incroyable que l'État laisse faire. Bah, c'est leur intérêt. Maintenant tu comprends mieux quand tu vas faire ton analyse, par exemple sur Renault, par exemple, ou donc dans d'autres secteurs d'activité. L'intérêt de l'État, c'est quoi? C'est faire profiter à quelques personnes, quelques sociétés. Et à recouper avec les personnes de l'État qui ont le réel pouvoir financier sur le capital. C'est pas donc la personne qui est au pouvoir parfois qui gère vraiment des États. En France, on peut dire que c'est naturellement une personne qu'on connaît bien, mais dans d'autres pays, on voit très bien que donc l'État est représenté de facto par le capital, par certaines personnes très puissantes au niveau capital. Si ça se trouve, c'est qu'un pantin, hein, Sarkozy, hein, c'est qu'un pantin. Hein, ça se trouve, comme George Bush, hein, il est juste là comme ça, mais c'est d'autres personnes qui lui disent quoi faire et il obéit. Il obéit au garde à vous, je pense. Non, je dirais que donc. Enfin, mon sentiment, c'est vraiment qu'il gère, mais par le biais du pouvoir et les relations de pouvoir vis-à-vis de certaines personnes qui gèrent très bien en arrière-plan. Il a failli mettre son fils à la tête de l'EHPAD, quoi qu'il y a, il a réussi quand même à le mettre à l'EHPAD quand même, sous je sais plus quel poste, enfin. Ouais. Et ça, c'est pareil, on en a parlé dans les médias, mais il n'y a personne vraiment qui a tapé du poing sur la table, qui a dit stop, ça suffit. Non, parce que donc ils ont peur d'aller à l'encontre même de Sarkozy qui gère maintenant quand même pas mal de choses. N'oublions pas qu'il était quand même aussi ministre de l'Intérieur, donc il a géré également tout ce qui était pouvoir, je dirais, de politique, enfin pas politique mais policier. Excusez-moi, donc policier. Donc il avait une emprise quand même sur tout ce qui était police et gendarmerie. Donc il connaît très bien ces dossiers par le biais de ces gens-là. C'est comme un Pasqua ou d'autres qui ont géré de la même façon donc l'État français. Hein. Et lui, c'est quelqu'un quand même qui a monté en puissance. et en popularité, mais à une vitesse fulgurante. Parce que dans tout le monde, il est vraiment soutenu, c'est qu'il est soutenu et qu'il n'est pas là par hasard. Quand même, c'est qu'il y a des gens qui l'ont aidé dans son ascension et il savait très bien jusqu'où ça allait aller. Enfin, je pense. Aidé, oui, parce que donc c'est le fief de Neuilly, donc avec aussi bien dans toutes les sociétés et collectivités du 92. Donc il a eu ces soutiens-là. Maintenant, tout le monde a cru dans son message au départ, comme c'était toujours le cas. Quand on regarde le cas de Sarkozy, il est très crédible et très bien dans ses premiers contacts quand il fait ses choses pour étaler ses arguments. Et par après, quand on voit donc la réalité. C'est juste l'inverse. Quand on parle avec pas mal de personnes qui font partie de la gendarmerie, c'est un peu ce qui s'est passé chez eux. Donc beaucoup de promesses au départ, ils y ont cru, comme la police nationale, ils y ont cru et ils nous ont prévenus. Ces gens-là prévenaient directement d'autres personnes pour dire attention, cette personne, il faut faire très attention. Parce que donc les promesses qu'il a fait et la réalité par après, c'est complètement différent. Et tu penses qu'il va être réélu parce qu'il se prépare quand même à redevenir encore président. Alors, il va être élu. Quelle stratégie il va adopter maintenant? Comme dirait Coluche, on n'en sait rien. Donc, de quoi parler? Non, il faut rester terre à terre. Je pense que donc effectivement, c'est parler de ça, c'est donc justement donner. De quoi alimenter ce feu pour dire que donc il doit être réélu. C'est une des stratégies de communication d'ailleurs. C'est d'avoir donc toute une population qui est derrière les arguments de base de l'UMP. C'est la sécurisation du pays. Il va revenir maintenant sur des thèmes de protection. Donc, comme par hasard, on en parle de plus en plus depuis 3-4 jours. C'était le premier quinquennat. Ça devait être donc les réformes, et maintenant il va se pourvoir dans une position de comment dire de protecteur, protecteur social, économique, tandis que c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que cette crise causée par le capitalisme, parce que le capitalisme pour survivre à lui-même doit provoquer à un certain moment donc la crise qu'on a là. Bon, la crise grecque, la crise financière qui est là présente. Donc ils savent très bien que donc là c'est parti pour 3-4 ans. Et donc, pour 3-4 ans, mais ça va empirer. Tu veux dire que ça c'était que les premières étapes. Oui. Oui. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans notre vie de tous les jours? On va voir qu'on on pourra presque plus rien acheter. Va y avoir. Enfin, qu'est-ce qui va se passer d'après toi? Ça va. Je vais te reparler donc parce que donc il y a un fil conducteur que tu m'as remis en tête, c'est-à-dire donc est-ce que donc ça c'était les prémices ce qu'on voit actuellement. Oui, voilà. Les prémices, elles sont déjà là présentes il y a 2 ans, 3 ans de ça quand la crise immobilière américaine a commencé. Déjà là, on parlait d'une crise imminente qui serait grave. Déjà donc là, les États ont aidé les banques à survivre. Donc c'était encore de l'argent public qui était injecté dans différents pays pour aider les banques. Déjà là, on s'est posé la question, est-ce que c'est les prémices? Oui. On s'est dit aussi, ça va changer. Regardez, après 6 mois, les banques vont nettement mieux. Elles ont fait des bénéfices. On dit, regarde, c'est la reprise. Voilà. Donc non, ça c'est typique du capitalisme déjà, donc de pouvoir dire et de vouloir dire à chaque fois la crise elle est là, faites attention, donc il faut qu'on fasse attention au salaire, de rester compétitif, oubliant que donc le problème est général, c'est pas donc limité. C'est clair que celle-là on l'entend pas mal aussi, les salaires, il faut qu'on reste compétitif, alors on peut pas... C'est un faux problème, c'est un faux problème. C'est vrai qu'ils le sortent tous, ça par contre. Ils l'ont tous sorti, dans toutes les entreprises. Donc, regardons maintenant le contexte européen. Donc, on se disait, il faut rester compétitif au sein même de l'Europe. Donc, il y a Sarkozy qui va se permettre de donner des leçons à l'Allemagne en disant, il faut que vous exportiez plus vers des zones non-euro, c'est-à-dire en dehors de l'Europe, pour que donc la France puisse se remettre donc à cheval correctement et puis aller de l'avant. Donc c'est un faux débat de dire que donc la compétitivité, il faut faire attention, parce que donc la seule réalité qui peut faire échouer ce capitalisme, c'est d'avoir des salaires décents dans chaque pays. Rappelle-toi de ce qu'on a parlé la semaine dernière, donc le seuil des 1500 nets nécessaires. Donc si tout le monde avait donc le même salaire en Europe, donc il y aurait plus de délocalisation pour certaines fonctions vers des pays qui font partie de l'Europe, comme je dirais donc la Pologne, l'Allemagne, la Tchécoslovaquie, ainsi de suite, ou l'Italie. Donc on n'aurait plus ce problème, parce que les salaires sont pareils partout. Alors dans ces pays-là, le gouvernement contrôle totalement les entreprises, ou ils ont des syndicats qui sont actifs, ils arrivent à s'arranger, ou en Pologne, dans tous les pays-là, je pense que non, je pense qu'ils... C'est la même situation que nous en Nord. C'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est on se leurre qu'on est dans un pays, entre guillemets, complètement libre et démocratique. Oui, on a certaines choses qui sont quand même très bien. Il ne faut pas l'oublier. Mais on ne l'utilise pas à bon escient. Donc, on se dit, les autres pays, c'est encore pire. Non, on a aujourd'hui en France, si on regarde bien, si on fait une analyse terre à terre de la situation actuelle, on est dans un système qui est très problématique, parce qu'on voit très bien que donc au niveau État, au niveau société, c'est quelques groupements qui vont décider de notre avenir. C'est pas les salariés, la grande masse qui va décider. Donc, ouais, c'est pareil chez nous comme chez eux. La Grèce, c'était quoi quand on entend donc les messages qui sont passés actuellement, comme par hasard, on a des échos gauche et droite qui ont profité pendant des années, et c'est quelques personnes qui ont profité des subventions de l'État au niveau étatique, donc à partir de l'Europe, et qui se sont mis dans les poches l'argent, tandis que le peuple, il a rien vu passer. Ça, c'est déjà un des problèmes de la Grèce. Et en Grèce, là, qu'est-ce qui va se passer là? Ils vont tous être au chômage, toutes leurs entreprises là vont couler instantanément. Comment ça va se passer? On ne sait pas. Mais donc une chose est certaine. Donc là, on est dans la logique même de l'avancée du capitalisme qui va créer encore plus de misère partout. Parce que donc là, on entend. Grèce est déjà donc un exemple, mais donc l'Espagne, l'Italie, la France, on parle de rigueur ici en France, bah c'est simplement la crise qui est là, donc il faut réduire le déficit public pour faire encore partie de l'Europe, pour être compétitif, ainsi de suite. C'est complètement un faux débat. Donc aujourd'hui, on est tous en train d'aller vers le mur, donc dans le mur plutôt. Donc avec des salaires qui vont, même s'ils restent au niveau nominal invarié, il n'y aura pas d'augmentation de salaire, et donc le pouvoir d'achat, il va diminuer, parce que donc nos marchandises que donc on va devoir acheter vont être plus chères. Regardons ce qui se passe avec l'euro. Qu'est-ce qui va être plus cher? Ça va être donc tout ce qui est pétrole, ça va être les marchandises qu'on importe. Et de moins en moins, on a des... Et c'est clair. Et le prix d'un plein, deux pleins par mois, ça fait chier. Exactement. C'est beaucoup. C'est énorme. C'est énorme. Hein. Mmh. Ça, tu le vois bien. Mais l'État, c'est quoi qui leur coûte le plus cher, en fait? C'est quoi qui fait qu'on est si endetté en France? C'est notre sécurité sociale? On la gère mal? Est-ce qu'il y a trop d'abus? Il y a trop de gens qui profitent, peut-être, de l'argent qu'on leur donne, donc les gens qui veulent pas travailler, les faux chômeurs, tout ça, qui non, je sais non, pas. Tout. Donc là encore, c'est un faux débat sur lequel je voudrais revenir. C'est-à-dire que si on regarde bien, donc la fraude, qui a eu à l'assurance maladie, on parle maximum de 2, 3, 4%. Donc c'est pas énorme. C'est donc la droite elle-même qui en parlait tout récemment. C'est pas énorme si on parle en termes de pourcentage. Bon, ceci dit, il faut naturellement limiter, c'est clair, mais on pourra jamais éviter de la fraude. Ça existera toujours. Non, voilà, tu peux, comme le vol, où il y aura toujours des bandits. Oui, ça c'est, voilà. Il y aura toujours Par contre, et parlons encore une fois de la sécu, donc des retraites et autres. Donc c'est un faux débat, dans la mesure où le capital se protège lui-même par le bouclier fiscaux, par exemple, et donc les assiettes de taxation pour différentes sociétés sont complètement protégés. Donc c'est de l'argent qui rentre pas. Les chômeurs, et encore une fois, c'est la logique même du capitalisme, il faut avoir des chômeurs. C'est faux de penser que donc le capitalisme va nous donner donc un plein emploi. C'est un faux débat dans la mesure où il faut qu'ils aient des chômeurs. Alors pourquoi est-ce qu'il faut des chômeurs? Voilà, ça j'arrive pas à comprendre. Ouais. De pourquoi une, pour avoir. Il y a tant de gens au chômage. Déjà pour avoir donc une pression sur le monde du travail pour garder les salaires le plus bas possible. Parce que donc si on peut dire que en licenciant des salariés, vous avez encore 36 personnes qui sont sur le carreau qui peuvent reprendre ce poste, c'est donc une force. Donc tu veux dire que les sociétés, elles marchent mieux, elles vont mieux marcher dans une, quand tu auras beaucoup de chômeurs que quand tu n'as pas beaucoup de chômeurs. Donc quand il y a eu les 30 glorieuses, pendant les 30 glorieuses, il n'y avait pas un gros taux de chômage, les entreprises gagnaient beaucoup d'argent. Et c'est ça que tu veux dire, c'est qu'aujourd'hui, elles en gagnent plus grâce à ça. Alors qu'avant, il y avait parce que donc la productivité, elle a augmenté de facilement 6 fois ou 7 fois dans un laps de temps d'une vingtaine d'années. Elle a augmenté cette productivité, tandis que les salaires n'ont pas bougé. Donc, la marge de manœuvre des sociétés est beaucoup plus grande. Donc, la valeur ajoutée qu'ils ont pour chaque heure produite, donc elle est plus importante aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, tandis que les salaires n'ont pas augmenté. Et donc le chômage, il faut le contenir. Ce qu'ils font, c'est simplement le contenir dans un certain pourcentage pour avoir quand même donc une force de négociation sur le monde du travail, sur le monde de l'intérim, donc les CDD, donc d'avoir des contrats de durée déterminée, parce qu'ils se disent donc on peut mieux gérer ces salaires-là à la baisse dans la précarité. En ayant ce chômage qui est présent. N'oublie pas que même dans les 30 glorieuses, on avait toujours un peu de chômage qui est là. Donc le monde sans chômage n'existe pas. Même Keynes, dans les années 60, il disait très bien que donc le plein emploi n'existe pas. Le plein emploi, c'est une définition fausse dans la mesure où il y a toujours donc 3, 4, 5% de chômage dans un pays. Pour eux, ça veut dire plein emploi. Plein emploi, c'est quand même avoir un certain petit pourcentage de chômeurs. Mais avant, ceux qui étaient au chômage, c'était ceux qui étaient pas très qualifiés. Et aujourd'hui, on voit que c'est tout le monde, en fin de compte. Oui, parce que donc revenons sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc ils sont en train de disséquer le travail dans certains composants qui peuvent être très bien donnés à quelqu'un de non qualifié. Donc quel est l'intérêt de surpayer et d'engager? Repense à ce qu'on a dit tout à l'heure avec Flin, ou Renault plutôt, c'est de ne pas engager des personnes qui sont surqualifiées. C'est se couper donc le pied, ou tirer une balle dans le pied. Ouais, c'est tirer une balle dans le pied. Ouais. Donc, il vaut mieux, et donc avec le travail, la découpe du travail comme elle est faite aujourd'hui, ils veulent éviter d'avoir donc des personnes qui sont hyper qualifiées, ils veulent avoir des personnes entre guillemets qualifiés, hyper qualifiés dans ce petit tronçon de travail qui peut être très bien donné à quelqu'un, par exemple qui vient de l'intérim, qui peut apprendre ce type de boulot en 2-3 jours. Ils veulent plus avoir des types de travail qui nécessitent une formation de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors que moi je croyais que c'était l'inverse, qu'en France on voulait justement qu'on manquait de main d'œuvre spécialisée, qu'il fallait former les gens de plus en plus et les spécialiser. Alors qu'en fait, là, ce que tu dis, c'est le contraire, quoi. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, non, c'est que t'es pas trop de qualifications. C'est vraiment bizarre. Enfin, c'est contradictoire avec ce qu'ils disent. Exactement. Mais donc, il faut toujours se poser la question entre donc ce qu'ils disent et la vérité ou la réalité finale. Il y a deux mondes. Il faut toujours se poser la question de manière très critique. Ouais, parce que ouais, ça c'est clair. Et puis tu vois bien, par exemple, on cherche à favoriser aujourd'hui l'apprentissage. Toutes ces choses-là, les jeunes sont de plus en plus compétents dès leur plus jeune âge. Mais compétents en quoi? Est-ce que c'est gérer complètement donc un processus de production de A à Z, ou est-ce que c'est simplement une petite partie comme Charlie Chaplin, mettre le boulon sur une pièce? Oui, c'est. Et quand ça. Tu vois, c'est ça. Regarde maintenant même dans la production des voitures. Donc malgré que ce soit quelque chose qui est très technique, tout est découpé C'est Toyota qui l'a instauré. C'est vraiment, c'est craqué mental là ce que tu dis. Là, ça, c'est vraiment un truc de fou quoi. Mais, ça va être l'heure de la fin. D'accord. Donc, si vous avez le mot de la fin à dire en quelques secondes. Écoute, merci, hein, James. Hein, c'était encore pas mal hein, cette fois. Donc, vivement dimanche prochain, si t'es là. Oui, j'essaierai toujours d'être. Dimanche, ce sera pas possible parce que j'ai une réunion importante tout le 23. Donc, je serai à l'extérieur, mais j'écouterai sur mon iPhone. Donc, je regarderai ce qui se passe. Avec Saint-Jean, on verra s'il sera là, notre Saint-Jean. D'accord, mais je reviendrai avec des nouvelles très importantes la semaine d'après. Au niveau travail, il y a aussi eu pas mal de choses cette semaine-ci. Donc j'en parlerai également dès qu'on aura plus la possibilité de le faire, qu'on aura donc les concrétisations. Ok. Bah, j'avais pas vu quand on était rentré en onde aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'ai pas dit de conneries. C'est le live. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le bien, à bientôt à tous. À une prochaine. Merci. Merci Radioactive. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous. Je fais un petit clin d'œil au caporal John et à ses rapports que vous pouvez retrouver tous les soirs à partir de 20h et le vendredi à partir de 18h. Et puis en direct de nulle part à Mr. M, Mr. T et tous les autres pour leur excellente émission qui passe tous les vendredis à partir de 20h, heure du Canada, bien entendu. Hein. Donc ce qui fait minuit chez nous et 2h du matin. Voilà. Donc, bonne semaine à tous et puis à la semaine prochaine pour OpenScape. À bientôt. Au revoir. Nous sommes désolés d'interrompre la programmation normale pour ce bulletin spécial. Allons tout de suite rejoindre notre correspondant à quelque part sur la planète. Oui, bonjour, ici on est en état d'alerte, je répète, nous sommes en état d'alerte, le www.tacticalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre. Nous avons absolument besoin de sympathisants comme nous, nous avons absolument besoin de gens qui désirent s'impliquer afin de faire promouvoir la communauté et de faire l'évoluer. Je répète, tacticalfm.com a un urgent besoin de main-d'œuvre et de gens qui désirent s'impliquer. N'oubliez pas que cette communauté de podcasteurs radiophoniques est la seule qui ose dénoncer et qui ose critiquer les masses médias normaux. Vous pensez pouvoir aider de quelque façon que ce soit, tacticalfm.com, envoyez tout de suite un courriel à info@tacticalfm.com. info@tacticalfm.com. Je répète, ceci n'est pas une simulation. Ceci n'est pas une simulation. Le www.tacticalfm.com a besoin de vous. De retour au studio. Merci. De retour à la programmation normale. Vous êtes membre d'un syndicat? Êtes-vous sûr que celui-ci représente les vraies valeurs syndicales? Pour ceux qui recherchent un syndicat qui retourne aux vraies valeurs syndicales, actif.fr. Retrouvez Radioactif dimanche prochain de 17h à 19h, heure de Paris, et de 11h à 13h, heure du Canada. À la semaine prochaine.